Attention, message personnel. Panique au Mangeant Palace. Je répète, panique au Mangeant Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangeant Palace, épisode 70. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 18 mars 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangeant Palace, tu es Habilis ou Erectus, tu es couvert de fourrure, tu es sur les traces du mammouth, tu es Silex, tu es planqué dans ta grotte et tu es aussi... Trois drôles de filles exploraient une caverne au fin fond du Tibet quand elles se trouvèrent nez à nez avec un homme préhistorique, le capitaine Caverne. Capitaine Caverne! Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es préhistorique et tu tailles des pierres. Alors, comme chacun sait, dimanche dernier, président Chirac nous a annoncé qu'il renonçait à un nouveau mandat. C'est là, sans aucun doute, une étape cruciale dans l'évolution de l'espèce politique, à savoir la fin de l'Homo Magulus. Ainsi, à l'heure où nous assistons à la disparition des derniers dinosaures, la panique au Mangeant Palace a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle de la préhistoire. Donc, pour commencer, des premiers hominidés aux Homo sapiens, il faut te retracer l'épopée, à notre sauce bien sûr, de ce que peut être la fantastique évolution de l'humanité. Ensuite, durant quelques minutes, nous constaterons combien notre univers politique ressemble encore parfois aujourd'hui aux premiers âges préhistoriques. Puis on enchaînera sur une petite surprise de Gad Elmaleh qui viendra te démontrer que l'Australopithèque n'a pas totalement disparu lui non plus. Par ailleurs, dans la foulée, nous avons décidé de t'offrir une relecture de la Genèse, autrement dit, la préhistoire, selon la Bible. Et enfin, te raconter cet incroyable week-end durant lequel Jean-Claude et Monique ont été contraints et forcés de vivre comme des hommes préhistoriques. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangeant Palace, alors bien sûr monte le son et sors de ta caverne. Thank you.

Évidemment, ce cri n'a pas été enregistré en direct, car tous les dinosaures connus, en tout cas, sont morts, mais il a été reconstitué, très sérieusement paraît-il, par un chercheur en acoustique, Jacques Cassard, à la demande du, très sérieux également, Muséum d'Histoire Naturelle d'Avignon. Donc, c'est sans garantie, mais tout de même, en vous promenant, si vous entendez ça... Alors méfiez-vous, c'est que vous êtes suivi par un dinosaure. France Inter, 19h22, merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Alors, après avoir entendu un dinosaure, il est normal d'essayer de traquer la bête. Eh bien, en pleine campagne électorale, il suffit parfois de lire la presse pour s'apercevoir que nous ne sommes pas les seuls à constater que les dinosaures en politique n'ont pas disparu. Il y a quelques jours, par exemple, François Bayrou, le brachiosaure, a déclaré lors d'un meeting à Poitiers que, selon ses propres mots, l'affrontement gauche-droite désormais est un affrontement préhistorique. Pour lui, le temps est venu de sortir de la préhistoire justement pour entrer de plein pied dans une nouvelle ère de compréhension et d'intelligence. Traduction, élisez-moi et je vais réconcilier les mammouths. Ouais, enfin bon... François Bayrou tente donc d'apparaître comme l'homme nouveau. Mais franchement, qui peut oublier que M. Bayrou possède lui aussi des origines paléolithiques pas si lointaines ? Les volcans d'Auvergne, 80 géants alignés. Mais ces volcans, sont-ils vraiment éteints ? Je suis le candidat de l'espoir. Pourquoi ? Parce que je suis celui qui a construit les fondations. Ou seulement endormi ? Quand j'ai été élu au printemps de 1974, le monde était déjà entré dans la crise mondiale. Je suis le candidat de l'espoir. Pourquoi ? Réponse le 21 mars au cœur du nouveau Vulcania. Avec effets spéciaux et cinéma dynamique à l'appui. Mais vous êtes prévenus ? Ça va bouger. Les murs de ma maison seront des murs de pierre, parce que nous avons construit les fondations. Vulcania, l'aventure de la Terre. Et c'est celui qui a construit les fondations qui est qualifié pour construire la maison. Ah, eh ben oui, François Bayrou, le brachiosaure palois, n'est autre que le fils spirituel du redoutable giscardosaure. D'ailleurs, il semblerait au passage que les vieux dinosaures de l'UDF aient décidé ces temps-ci de ressortir leurs griffes. Il y a 10 jours, par exemple, Raymond Barre, l'ankylosaure, s'est pointé sur France Culture pour le rendez-vous des politiques. Et alors, ça ressemblait à quoi au juste, cette interview ? Bienvenue à Jurassic Park. Monsieur Papon est devenu un bouc émissaire. Je ne porte pas un jugement moral sur l'attitude que l'on pouvait avoir à l'égard des déportations de juifs ou non. Mais je considère qu'il y a dans ce pays une hypocrisie fondamentale à chercher quelques boucs émissaires. Nous savons maintenant que le dilophosaure est en réalité venimeux. Il crache du venin sur sa proie, provoquant la cécité et éventuellement la paralysie, ce qui lui permet de manger selon son bon plaisir. Eh oui, alors là, avec Raymond Barre, l'UDF, ça devient carrément l'union des fossilisés, non ? Franchement, si ce n'est pas de la préhistoire, ça. Mais bon, plus à gauche, il arrive également que le Parti Socialiste, lui aussi, ne se gêne pas parfois pour mettre en œuvre des procédés préhistoriques quand il est aux affaires. Je vous faisais part hier de la petite phrase de Claude Allègre déclarant qu'il voulait dégraisser le mammouth en parlant de l'éducation nationale. Le ministre a précisé ce matin qu'il ne voulait pas diminuer le nombre des fonctionnaires, mais qu'il voulait muscler le mammouth, le rendre un peu plus effilé et un peu plus souple. Ben voyons, comparer l'éducation nationale à un gros mammouth qu'il faut dégraisser, c'était fin ça aussi, tiens. Heureusement, cette fois-là, le gros tyrannosaure qu'est Claude Allègre s'est fait botter l'arrière-train. Mais bon, revenons plutôt quelques instants à la déclaration initiale de François Bayrou qui nous propose désormais donc de rompre avec cette préhistoire politique. Très bien. Mais pour y parvenir, comment François Bayrou compte-t-il s'y prendre alors pour affronter cette nouvelle espèce de dinosaure qui est apparue ces dernières années ? Explication. Tu le fixes dans les yeux. Et il te fixe aussi intensément. Alors qu'est-ce que t'as ? T'es pas content ? Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés des deux autres raptors que tu n'avais même pas encore vus. Paf, on les repère. Paf, on les liste. Pas fend les foies en tôle. Il fend l'air et te la serre avec ça. Une griffe rétractile de 20 cm, coupante comme un rasoir, sur le doigt du milieu. Il ne prend pas la peine de te mordre la jugulaire, comme le lion. Non, non. Il t'entaille. Ici ou ici. Alors qu'est-ce que t'es pas content? Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Alors essaie de te montrer un peu respectueux. Eh oui, le sarcosaure ne fait jamais de cadeaux et il est toujours à l'affût. Ainsi, au risque de contrarier le brachiosaure palois, il est à craindre que les dinosaures en politique aient encore de beaux jours devant eux. Cela dit, il arrive parfois que les dures lois de l'évolution finissent par faire disparaître certains d'entre eux. Mes chers compatriotes, que je vous aime, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je ne solliciterai pas vos suffrages pour un nouveau mandat. Et tout cela, c'est grâce à vous que je vous aime. Grâce à votre talent que je vous aime. Grâce à votre créativité que je vous aime. Grâce aussi, et je le mesure bien, aux efforts considérables que vous avez consentis. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, vient d'un monde jamais vu encore. Ah, Denver, le dernier dinosaure. Grosse carrière celui-là, hein, non? Alors, depuis quelques minutes, on évoque ici les persistances préhistoriques dans notre univers politique, certes. Mais figure-toi qu'en réalité, chacun d'entre nous a conservé les traces de cette époque si lointaine. Et pour te le démontrer, le mieux, je crois maintenant, c'est de laisser la parole au facétieux Gad Elmaleh, un australopithèque parmi les autres. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. T'es déchiré en boîte à 7h du mat, tu commences à avoir une voix d'australopithèque. Viens! Quelle heure il est? 7h10? On a passé bonne soirée, hein? Et vraiment, le plus grand problème dans tout ça quand t'es australopithèque, c'est de rentrer à la maison sans faire de bruit quand ta femme elle est pas sortie avec toi. Surtout qu'il faut savoir que l'homme déchiré est le seul être humain qui peut dialoguer avec des objets. Rentre dans la partie trébuche sur une chaussure, il fait chut. Et là, il faut qu'il aille dans la chambre à coucher sans réveiller sa chérie. Déjà qu'il est déchiré australopithèque, en plus, il doit pas faire de bruit. Les australopithèques, tout à coup, ils savent très bien faire les cosmonautes. Si tu lui dis que sa femme, elle va pas se réveiller, il peut ne pas respirer pendant 8 minutes. Et il va aller pour se glisser dans le lit. Il croit en plus même qu'elle dort. Elle dort pas. Les femmes ne dorment pas quand on sort, les mecs. C'est comme la télé, tu l'éteins, elle reste en veille. Et le mec, il va aller se glisser dans le lit sans faire de bruit. Tu connais cette fameuse glissade de l'australopithèque? En escalope. Le mec, il arrive, il se glisse pas dans son lit. Il se faxe tellement il a peur qu'elle se réveille. Il est là. Sauf qu'elle, elle a les yeux comme ça, tel un hibou. T'es là, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Et tu commences à avoir faim. Quand t'es australopithèque, t'as faim. T'as vu comme on a faim quand on est australopithèque? Sauf que ton cerveau, il peut pas passer à l'action. C'est pour ça, quand t'es déchiré, tu vas dans la cuisine, t'ouvres le frigo et tu bloques devant. Il peut y avoir un pot de yaourt périmé, le fond d'un tube de harissa, une aubergine crue. Tu les envisages. Dans la porte du frigo, il y a le fond d'une bouteille de vin. Tu lui fais « Arrête, c'est bon, tu m'as saoulé, oh !» Mais franchement, par rapport à l'australopithéquisme, j'aimerais vous donner un conseil parce que c'est le week-end, là. Je sais que tout le monde va sortir pumper up. C'est, messieurs, si vous rentrez chez vous en australopithèque, faites une chose, et je dis ça pour votre bien, vraiment. Retirez vos chaussures et jetez-les dans la chambre à coucher. Si elles reviennent, c'est que c'était pas l'heure de rentrer, les gars. We'll be right back. accept that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming. You'll sink like a stone, for the times they are changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters beyond your command. Your old road is rapidly aging, so get out your new mind. You can't lend a hand for the time. The Times They Are Changing, un tube de Bob Dylan qui date de 1965, repris brillamment cette année par l'élégant Brian Ferry, une heureuse rencontre de deux vieux dinosaures toujours bien vivants. Alors maintenant, pour prolonger notre fabuleux voyage jusqu'aux origines du monde, il est temps désormais, à 11h32, de t'offrir une relecture de la naissance de l'homme selon la Bible, autrement dit, c'est quoi la préhistoire selon la Genèse ? Au commencement, Dieu lui-même créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ensuite, c'est très simple, durant 5 jours, Dieu créa tout. Seulement voilà, tellement habitué à glander depuis des millénaires qu'au soir du 6e jour, Dieu était lessivé. C'est alors qu'il se servit un whisky glace pour contempler l'ampleur de sa création. Et c'est ce soir-là, à la veille du 7e jour donc, que Dieu le Père a compris un truc essentiel. On me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre vieux. C'est ainsi que Dieu sanctifia le 7e jour. Voilà pourquoi depuis on ne travaille pas le dimanche. Encore que ça dépend, hein. Regarde-nous par exemple. Dieu il nous aime pas, alors forcément bah, on est là. Enfin bon, revenons plutôt à la création du monde. Une fois l'harmonie terrestre établie, Dieu a donc décidé de créer l'homme. Et ainsi, toujours selon la Bible, Dieu prit entre ses mains une poignée de poussière, puis il souffla divinement dessus, et l'homme devint un être vivant. C'est ça, ouais. Ce qu'on ne te dit pas dans la Bible, c'est qu'en réalité, il a sacrément galéré, Dieu. Le bon Dieu s'énervait dans son atelier, en regardant Adam marcher à quatre pattes. Et pourtant, non du pipe, j'avais tout calculé. Marche sur ses deux pieds pour faire un homme. Oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme. Oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme. Oh Dieu que c'est long. Pour faire un homme. Oh Dieu que c'est long. Quoi qu'il en soit, après plusieurs tentatives, Adam, le premier homme de l'humanité, notre père à tous, a fini par investir l'Éden, le jardin de l'harmonie céleste. Cela dit, Dieu a très vite compris qu'il faudrait une femme pour Adam afin qu'il puisse se reproduire et surtout créer une famille. Le divin créateur fit alors tomber Adam dans un profond sommeil et Dieu se mit au turbin pour créer notre mère à tous. Bonjour, Mme Hélène. Bonjour, Popol. Je voudrais une petite escalope. Combien je dois ? 3 francs. Je ne mets pas sur votre note. Eh oui. Tout droit sorti d'une entrecôte, donc, Ève, notre mère à tous, bien sûr, est enfin apparue sur Terre. Dès son réveil, Adam fut troublé par cette présence féminine et Dieu se précipita pour observer leur première rencontre. Vous êtes le sosie de la fille de mes rêves. Tu veux voir mon derrière, hein? Arrête, c'est un grain de beauté. Un grain de beauté? Ça prouve la beauté. Je t'aime. Moi non plus, je peux pas me passer de toi. Viens, on va prendre une douche. Désolé, je ne suis pas du genre à doucher le premier soir. C'est quoi ce plan foireux? Se dit la première femme de l'humanité. À peine créée, voilà qu'elle se fit rembarrer par cet imbécile d'Adam. Immédiatement, Ève se précipita pour protester auprès du Créateur. Si, si, c'est écrit dans la Bible. Quand Ève bigla Adam à poil comme une pièce de 5 francs, elle dit au grand daron, votre Superman, c'est pas le beau Serge, et s'il y a vraiment que ces zig pour ensemencer tout le continent, c'est pas pour vous chabler, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Dieu lui dit alors, ça c'est un peu fort. Je t'en donne comme ceci, dit-il, montrant avec son doigt. Et tu en veux comme cela, dit-il, en mesurant son bras. De toute façon, t'as le temps, la pilule, c'est que dans 10 000 ans. Bien que vexé par l'insolence de sa créature féminine, Dieu décida tout de même de consulter Adam pour savoir ce qu'il pensait, lui, de cette femme qu'il venait de lui créer. Adam fut très clair à ce propos. Je veux croquer la pomme. T'es mon fruit défendu, je suis ton homme. L'effet que tu me fais est énorme. Dis-moi comment tu te prénommes. Ève, répondit-elle lascive. Oh là, tout à coup, Dieu fut effrayé par les ardeurs sexuelles d'Adam et Ève. Ils étaient chauds bouillants, les bougres. Et puis, de les voir tous les deux à poil, là, forcément, Dieu, il n'a pas supporté ça longtemps. C'est ainsi qu'Adam et Ève furent contraints désormais de porter une feuille de vigne pour éviter de froisser la pudeur de Dieu. Seulement voilà, malgré tous les efforts du Père éternel, très vite la situation a dégénéré et Dieu lui-même fut pour le moins surpris par l'ingéniosité déployée par Adam. Il trouve qu'un coït trop furtif, c'est dépassé, c'est primitif. Il parle de préliminaires, les voilà allongés par terre, assis de dos en suspension. J'ai compté 32 positions, en voilà des acrobaties, tout ça pour nous faire un petit. J'assure la pérennité de notre subhumanité, si je ne veille pas au grain, l'apocalypse est pour demain. Oh, c'est vrai que la terre est plate, l'avenir est à quatre pattes, on maîtrisera le feu des volcans quand les poules n'auront plus de dents. C'est pourquoi, face à ce paradis en perdition qui risquait donc à tout moment de se transformer en lupanar, Dieu prit une grave décision. Car en réalité, je te le dis, c'est Dieu lui-même qui leur a offert le fruit défendu. Au début, Dieu créa l'homme. Mais comme il s'ennuyait, il créa la femme. Mais très vite, ils s'ennuyèrent. Alors Dieu créa la pomme de terre. Dès lors, ils ne s'ennuyèrent plus du tout. Les pommes de terre contre l'ennui, pensez-y. Seulement voilà, Adam et Ève ont adoré les pommes de terre. Frites, purées, vapeurs, robes des champs, ils ont décliné la patate à tous les repas, jusqu'à en oublier, dis donc, de remercier Dieu chaque jour de les avoir créées. Pour le Créateur, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le calice et il profita de ce prétexte à la con pour enfin les chasser du jardin d'Éden. Une fois débarrassés de ces deux amateurs de patates et obsédés sexuels, eh bien Dieu lui-même dut reconnaître son erreur. Quand j'ai créé le monde et le jardin d'Éden, avec la lune et le soleil comme lampe halogène, il s'est glissé une erreur que je me pardonne. Errare humanum est, alors j'ai créé l'homme. Il fit du sabotage, du lynchage, du pillage, de la prise d'otage et du cambriolage. Je vous le dis en vérité, il a fait davantage. Quasimodieu, il est à mon image. Ainsi donc, voilà comment Dieu nous a créés, puis nous a lâchés seuls dans une nature hostile, tout ça pour une sombre histoire de pommes de terre. En gros, Dieu a commencé par nous offrir un baiser, puis il nous a collé une beigne qui a eu l'effet d'une bombe pour l'humanité tout entière, ainsi soit-il. Un baiser, une bombe de ta bouche, explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Alors, mes mains blanches, toutes se dérobent, la foule de tes hanches hurle sous ta robe. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Nous sommes sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe de ta bouche explose sur ma bouche en plein jour. Un baiser, une bombe, c'est ce que chante le Marseillais David Lafaure et son groupe 5 Têtes, car Marseille compte un site préhistorique majeur, à savoir la grotte Cosquer, découverte en 1991 et recouverte de peintures rupestres. Dans cette grotte, à côté des classiques chevaux, bouquetins et bisons, on peut observer des représentations moins courantes de phoques, de pingouins et de formes plus vagues que certains identifient à des méduses et d'autres à Jean-Claude Godin. Alors, pour poursuivre notre exploration des tréfonds de l'humanité, il est temps maintenant, à 11h43, de retrouver nos deux héros venus des âges farouches, les bipèdes Monique et Jean-Claude. En effet, l'été dernier, Jean-Claude a emmené toute sa famille et un couple d'amis dans le Périgord pour découvrir les fameuses grottes de Lascaux, tout au moins le fac-similé, disponible à la visite. Et c'est lors de ce séjour, dans cette région qui vit naître M. Cro-Magnon, que Monique, Jean-Claude et leurs enfants ont vécu une drôle d'aventure lors d'une randonnée pédestre au milieu des paysages sauvages. Accompagnés d'un couple d'amis, donc, ils sillonnaient cette région merveilleuse quand, brusquement, leur marche fut interrompue par la nature, à la grande joie de Monique qui en avait ras le sac à dos de cette foutue randonnée. C'est donc sous le ciré de Jean-Claude que Monique s'est abritée. Mais comme la pluie ne semble pas vouloir s'arrêter, toute la petite équipe se réfugie alors dans une anfractuosité de la roche, donc une véritable caverne. Jean-Claude, dont l'instinct de découverte est toujours en éveil, décide de mettre un pied dans la grotte, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. On ne voit pas à deux pas devant soi, quelle épouvante. Ah bah c'est une grotte, quoi. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus éclairé. Qu'est-ce qu'il est long ce tunnel, mais c'est affreux, ça fait combien de temps qu'on marche là-dedans? Mais des heures. Les torches vont bientôt s'éteindre et on pourra même plus rebrousser chemin. On pourra toujours, mais dans le noir. Rémi, le fils de Jean-Claude, qui reste collé au basque de son père, en voyant les parois de la grotte, ça lui rappelle sa visite à Lascaux. Alors forcément, Rémi, il demande à son père de lui dessiner un truc sur le mur. Jean-Claude prend alors une pierre calcaire et trace quelques traits qui n'ont pas l'air de plaire aux gamins. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier, il a des cornes. Dessine-moi un mouton. Hein ? Dessine-moi un mouton. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. T'as qu'à le faire toi-même, ton foutu mouton. Petit con. C'est vrai, quoi. Il est énervant à la fin, ce môme. Alors que Jean-Claude, lui, il ne sait pas trop bien pourquoi, mais il se sent bien dans cette grotte. Peut-être est-ce cette atmosphère chargée des origines de l'homme. Dehors, la pluie tombe toujours à verse et il n'est pas question de sortir. Jean-Claude s'empare alors de deux silex et annonce qu'il va... Allumer le feu. Monique trouve Jean-Claude ridicule. Avec des allumettes, il irait sans doute beaucoup plus vite qu'avec ces pauvres cailloux-là. Mais Jean-Claude insiste. Et pour mettre de son côté toutes les chances de réussite, Jean-Claude, il lance vers le ciel une incantation immémoriale afin de s'attirer les bienfaits de ses plus lointains ancêtres. Lucie, Lucie, c'est moi, je sais. Il y a des soirs comme ça autour. S'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours regarder devant soi, sans jamais baisser les bras. Je sais, c'est pas le remède à tout. Jean-Claude s'esquinte les mains, bien sûr, en essayant d'allumer le feu, et il finit par accepter l'aide de Monique, équipée d'allumettes. Au premier crépitement, toute l'atmosphère de la caverne est transformée pour le plus grand bonheur du Jean-Claude. Le feu est arrivé dans notre vie et l'a considérablement amélioré. Il a durci les pointes de nos armes. Il nous a défendus contre les fauves. Il nous a éclairés, réchauffés, rassurés pendant les longues nuits noires. Sa conquête a été difficile et parsemée d'échecs. Il a fallu des milliers de tentatives pour qu'on naisse l'idée que le feu puisse être allumé, conservé, puis éteint par l'homme. Tout le monde regarde alors Jean-Claude avec beaucoup d'admiration. Il a allumé le feu, c'est donc lui le chef du clan. Monique est fière de son homme et tous s'apprêtent à féliciter Jean-Claude qui, tout à coup, d'un râle, exige à ce qu'on cesse de l'appeler ainsi, car désormais, son nom sera... Raon, l'enfant des âges farouches. Raon, plus vite que le vent. Plus fort que toutes les vagues de l'océan. Toujours plus loin, Raon. Raon, l'enfant de tous les hommes. Apprends et donne ton savoir. Jean-Claude Raon s'est donc imposé comme le chef de ce petit clan bloqué par la pluie dans une grotte périgourdine. Le temps est trop mauvais pour reprendre la marche, il est tard et tout le monde a faim. C'est alors que Jean-Claude Raon annonce qu'il va partir chasser. Monique lui fait remarquer qu'ils ont des sandwichs dans la glacière. Mais pour Jean-Claude, c'en est fini de l'âge glaciaire. Jean-Claude, lui, il va chasser, ce qui intrigue considérablement ses compagnons d'infortune. Faire quoi, ça ? Les pommes de pin ? Ouais. Quand tu en jettes une dans une cheminée, qu'est-ce qui se passe ? Un genre d'explosion. C'est exactement ça. Et si on ajoute un peu de sève, on peut fabriquer une mine. Oh. La nature, c'est quand même quelque chose. La nature, c'est quand même quelque chose. Surtout pour Jean-Claude, qui se sent en symbiose totale avec ses ancêtres préhistoriques. D'ailleurs, Jean-Claude, il ne s'imagine pas quitter cette caverne. Pour lui, la vie moderne s'est terminée. Il veut rester ici. D'ailleurs, il a commencé à aménager les alentours de la grotte et Jean-Claude s'empresse de le dire à Monique. Si tu reviens par là, tu verras la rivière. Mais j'ai refait en pierre le petit pont de bois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert pour rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Puis je l'ai recouvert de rondins de bois vert rendre à la rivière son vieil air d'autrefois. Mais pour Monique, petit pont ou pas, il est hors de question qu'elle vive comme Cro-Magnon. C'est complètement dingue cette idée. Monique, elle veut retrouver la civilisation, et cela malgré les insistances de son Jean-Claude préhistorique. Tu es trop joli pour beaucoup, fou de vous, car tu es trop belle à l'infini. Je gravais ton nom partout, je écrire tous les arbres avec un canif, pour faire de moi un zoulou, je vouloir aimer vos primitifs. Mais pour Monique, rien n'y fait. Il est impensable de rester vivre ici, dans cette foutue grotte. D'ailleurs, il se fait tard. La pluie a cessé et il est donc temps de rentrer. Tout le petit groupe acquiesce et se prépare à repartir. Jean-Claude Rahan, quant à lui, reste sur ses positions. Il ne veut pas quitter cette grotte quand, soudain... Et là, d'un seul coup, la mémoire reptilienne du Jean-Claude reprend le dessus. Non, il n'a pas peur des animaux de la forêt, mais un chef ne doit pas abandonner son clan. Alors Jean-Claude repart avec tout le monde vers la civilisation. Voilà, fin de la préhistoire. Jean-Claude a vécu pendant quelques heures comme ses lointains ancêtres, un passé qu'il quitte à regret, mais sans pleurs, car les hommes ne pleurent pas, surtout quand ils ont la chance de découvrir de nouveaux territoires. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconner, et voir aucun film en entier, ça va de soi, avoir la vie partagée. Percé par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, aller du côté gay et voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider et saigner, saigner. I try to laugh about it. New York avec toi d'un côté et Boys Don't Cry de l'autre, subtilement remixé par DJ Zebra, le paléontologue des platines qui redécouvre les années 80. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre exploration fantasmagorique de la préhistoire. Du redoutable giscardosaure à l'homme de Cro-Magnon, du jurassique au néolithique et de Jean-Claude en Rahan à la découverte de la pomme de terre par Adam, nous t'avons dressé un panorama incomplet et subjectif, bien sûr, de ce que pouvaient être les premiers âges de l'humanité. Pour résumer, on en est où exactement des hypothèses sur les origines de l'homme? C'est évidemment le fruit d'une évolution, mais c'est bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Plus les recherches avancent, et moins on comprend d'où l'on vient. Et c'est sans doute ça, le plus passionnant d'ailleurs. Cela dit, une chose est absolument certaine. Aujourd'hui, où qu'on soit sur la planète, il n'y a qu'une seule et même espèce d'homme, suffisamment évoluée d'ailleurs, pour s'intéresser à ses lointains ancêtres, dont le plus célèbre chez nous vivait il y a bien longtemps. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan, debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison. Il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Ma, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. C'était les quatre barbus des vrais dinosaures de la chanson française. Mmh.